entities that block the escape. And today's topic is non-dejection, non-anger. That is called in Pali, Abhyabada, A-B-Y, long A, P, long A, D-A. And its opposite, Yabada, anger and dejection, which are two sides of the same coin, pretty much. Aujourd'hui, je vais parler de la seconde, la deuxième paire de Niyana et Niyana Varana. Niyana, c'est les sorties de secours, les sorties tout simplement de la souffrance. Et je vais parler des dhammas qui bloquent ces sorties. Donc aujourd'hui, nous allons parler du découragement et de la colère. Et donc, cette paire en pali, ce serait donc le non-découragement, la non-colère, ce sera Abhyapada, A-B, Y, A long, P, A long, D, A. Et son opposé, ce qui bloque, c'est Abhyapada, B-Y, A long, P, A long, D, A. Et comment on développe ces qualités de non-découragement et de l'absence de colère. Nous le faisons, le yogi le fait quand il observe son objet principal. Ça se fait au moment où nous observons, nous visons le soulèvement, nous nous focalisons et nous gardons notre esprit, nous maintenons l'esprit sur le soulèvement. Alors à ce moment-là apparaît la conscience de Vipassana qui est libre de ces deux défauts qui sont le découragement et la colère. Et donc, ensemble, le non-découragement et l'absence de colère, c'est appelé adosa, ou c'est aussi appelé abhyapada. Ces qualités se développent de ces deux absences, se développent quand nous observons notre esprit et en dehors de la pratique de Vipassana, il y a des personnes qui peuvent voir qui peuvent voir qui ont ces qualités et ce sont des personnes qui ne sont pas seulement concernées par leur propre intérêt, mais qui se soucient de la prospérité des autres. Et ces personnes vont expérimenter la satisfaction et cette absence, ce type d'absence de colère et de dissatisfaction, c'est aussi appelé Abhyapada. Et ces personnes-là ne sont pas dissatisfaites des situations difficiles, donc ils n'auront pas de colère. Ils gardent l'attitude, l'état d'esprit qui connaît et qui comprend le bienfait des autres. Et à cause de ça, ils vont vouloir, ils vont pas vouloir faire souffrir les autres. Et c'est pour cela ils seront patients et ils vont pardonner. Et cette patience, longanimité, et à cause de ça, ils seront libres de cruauté, de manque ne va pas apparaître la cruauté, la colère, et qui vient de l'absence de pardon, patience, et donc quand on est libre de quand on possède la patience, le pardon, le fait de supporter les autres et les difficultés, c'est aussi, ça s'appelle Abhyapada. Et les personnes qui sont bénévolants, qui ont l'esprit de vouloir le bien des autres, par nature, ils peuvent comprendre d'autres personnes, donc ils peuvent pardonner. Ils peuvent être patients, et dans ces personnes-là, chez ces personnes-là, cette qualité Abhyapada est évidente, apparaît de façon évidente. Et les personnes égoïstes sont intéressées seulement par leur propre avantage. Ils ne pouvons pas supporter quand les autres sont satisfaits, que les autres ont quelque chose de bon, de bien. Et à cause de ça, l'esprit bienveillant, le pardon ne va pas apparaître. Et de ceci vient alors le fait qu'ils sont très rapides à réagir. Dès qu'ils n'aiment pas quelque chose, ils deviennent violents. Parce que en fait, ils peuvent pas pardonner. Et ces personnes-là, il est difficile de vivre avec eux. Comment développer cette qualité de bienveillance? Ceci se développe à travers la pratique de Satipatthana, de la pratique de l'observation. Et si nous faisons cette pratique, à ce moment-là, le non-découragement, l'absence de colère se renforce. Si nous méditons avec cette attitude, nous allons atteindre le niveau de l'équanimité. L'équanimité envers toutes les formations. Donc, quand nous rencontrons les objets désagréables, nous allons noter et notation va pas se décroître. Et les êtres nobles qui observent avec l'esprit de non-découragement et l'absence de colère sont libres de la souffrance samsarique. Et c'est pour cela que c'est appelé Abhyapada. Niyana. Niyana. Cette attitude, cette façon de faire, il faut développer Dès le début, il faut cultiver, il faut renforcer cette attitude. Comment apparaît Vyapada? Quand nous expérimentons une personne ou un objet désagréable qui ne nous plaise pas, ou par exemple quand en méditant nous notons, nous ne sommes pas satisfaits de notre notation, alors nous va apparaître le découragement et la colère. Donc c'est ce qu'on appelle Pyabada. Et littéralement, ça veut dire changer de ce qui est là à l'origine. Originellement, notre esprit est libre de colère, de ça et d'autre qu'il est ça. Et il possède la compassion, le désir de faire le bienfait des autres. Quand ça se passe pendant la méditation ou en dehors de la méditation, si nous n'aimons pas quelque chose, on se dit, oh non, pourquoi je dois faire face à cela? Donc, va apparaître la dissatisfaction, vyapada. Et cette dissatisfaction est comparée au vinaigre. Et si nous continuons, soi-disant, de boire ce vinaigre, ça veut dire ne pas pardonner, ne pas pouvoir supporter, alors, à un certain moment, ce vinaigre, cet acide va commencer à transpirer à travers nos pores et nous allons commencer à sentir cette aigreur. Donc, nous devenons quelqu'un d'aigre. Donc, notre esprit deviendra aigre. Et il y a même cette expression en anglais, somebody Well, you gets actually say full of piss and vinegar. vinaigre. Il y a cette expression un peu vulgaire qui quelqu'un est plein d'urine et de vinaigre pour parler des personnes colériques. Et si la personne a l'esprit aigre, aigri, et si cette personne n'applique pas les méthodes pour se libérer de ce découragement et colère, ou peut-être la personne ne sait pas, ou peut-être elle n'utilise pas assez ces méthodes, cet esprit aigri va influencer notre corps. Alors, le sang va devenir, comme on dit, nuageux. Ça veut dire que le sang sera trop solide, pas assez liquide, et à ce moment-là, il ne va pas suffisamment circuler et ça va amener de toutes sortes de maladies comme par exemple l'hypertension, mauvaise circulation de sang, et pas, ça peut aller, lié dans les enseignements, jusqu'à une mort subite. Et même si les personnes ne meurent pas, mais ils ne corrigent pas cette tendance, quand ils vont voir une personne ou une chose ou une situation qui ne leur plaise pas, même si y a pas vraiment, c'est pas vraiment une situation, c'est vraiment pas vraiment justifié, mais ils vont se mettre en colère et ils peuvent, ça peut dégénérer, donc la personne peut agresser l'autre verbalement ou physiquement. Et ça peut aller aussi jusqu'à la folie, quand on est fou de rage, comme on dit, et c'est pas juste l'expression, quand on n'arrive plus à contrôler la colère, dans les textes, il est dit que c'est une maladie mentale. Et quand les Vyapada apparaissent, la personne ne voit pas comment sortir. Elle ne sait pas comment se libérer de non-découragement, l'absence de colère. En fait, la sortie est bloquée. Et c'est pour cela, cette sortie de secours est bloquée. Et c'est pour cela on appelle ça Jnanavarana. Et donc, nous devrions essayer d'utiliser les antidotes renforcer en fait ces qualités qui empêchent l'esprit aigre de se développer. Et ceci, c'est la pratique de metta, désir du bienfait de l'autre. Nous devrions renforcer la patience, le pardon, etc. De cette façon, nous pourrions éviter, toutes ces qualités nous permettent d'éviter un Vyapada. Et comment nous faisons ça? En faisant le souhait, puissent les êtres être heureux, puissent ils éviter la souffrance. Donc, nous devons renforcer cette confiance qui est un remède à l'esprit aigre. Donc, le yogi qui pratique Satipatthana peut peut dépasser, peut trouver la solution, être victorieux de ces Vyapada en observant le moment présent, par exemple le moment d'apparition des objets, en développant la connaissance de Vipassana. Et ceci va développer aussi l'énergie de l'esprit. Et à ce moment-là, le yogi sera victorieux sur les Vyapada. Et si un yogi va rencontrer une personne en colère, sa bienveillance ne va pas disparaître, ne va pas être dissipée à cause de cette situation. Et si, malgré tout, les Vyapada apparaissent, alors il va dissiper ses défauts en notant immédiatement. Les Vyapada apparaissent, et nous les laissons vivre, nous les laissons tranquilles, alors nous donnons la liberté à ces défauts de se développer. Et c'est là, c'est notre vie qui va en pâtir. Nos conditions vont en pâtir. Nous allons nous retrouver dans la situation où notre esprit sera en mauvais état. Pour donner l'exemple, notre esprit sera dégradé. C'est comme une maison, quand une partie de la maison est dégradée, nous ne pouvons pas juste rester les bras croisés et regarder l'eau coulée, par exemple, nous devons réparer cette fuite, par exemple, et le faire rapidement. Alors, à ce moment-là, après cette réparation, la maison sera de nouveau en bon état. Mais si nous laissons une partie sans réparation, alors la dégradation va se répandre et la maison deviendra inhabitable. Donc, ce qui est important, c'est de si nous avons ce défaut, par exemple, de la colère, il faut il faut y remédier rapidement à travers la méditation de Satipatthana, de Metta, parce que si on ne fait pas cette réparation, alors notre vie sera dégradée, ruinée. En tant que des êtres humains, nous ne vivons pas isolés. Nous avons notre famille, nous avons nos proches, les amis, nous vivons dans les villages, dans les villes, dans les régions, dans les pays, dans un pays. Et c'est pour cela qu'il était extrêmement important de s'entendre bien avec les autres. Et c'est pour cela qu'il est important de ne pas avoir l'attitude que c'est les autres qui doivent être patients avec nous. C'est contre-productif de se dire c'est les I don't need, je n'ai pas besoin de pardonner. Par contre, ce qui est bien, c'est d'être patient, d'avoir la capacité de pardonner, penser au bien-être des autres, et ceci, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut faire quand on est, comment dire, c'est pas seulement quand on pratique la Satipatthana, ça peut se faire aussi une personne ordinaire peut faire la même chose. Et de cette façon, elle sera libre de découragement, de colère et de la dépression. Mais il ne s'agit pas seulement de la colère. Parfois, on peut imaginer quelque chose, penser à quelque chose, et ça va provoquer une colère. Par exemple, nous pensons à une situation désagréable. Ça va provoquer dans notre corps un sentiment d'inconfort. Et ça s'appelle Dukkha Vedana. Et il faut observer et dissiper ce Dukkha Vedana, donc ce sentiment d'inconfort, parce que c'est de ce sentiment inconfort que vient la colère. Parfois, nous expérimentons, nous voyons quelque chose de désagréable, ce que nous n'aimons pas, ou un son va apparaître la colère. Ou, par exemple, nous n'aimons pas noter quelque chose, va apparaître, dans le dernier cas, va apparaître le découragement. Donc la colère, c'est plutôt vers l'extérieur, le découragement, c'est plutôt tourné vers soi-même. Qu'est-ce qu'on fait avec ces vyapada? C'est on note et après on revient vers l'objet. vers l'objet primaire et on revient vers cet objet fermement. Donc ce que nous faisons, nous notons deux ou trois fois et allons vers l'objet primaire. Et chaque fois que les Vyapada apparaissent, alors de nouveau, nous notons à chaque fois. Et de cette façon, c'est comme soigner une maladie. Il faut prendre les médicaments de façon répétée. Et de cette façon, la colère et le découragement vont disparaître complètement. Et la meilleure façon de gérer les Vyapada, c'est la pratique de Satipatthana, ce que nous faisons ici maintenant. Parce que si nous ne pratiquons pas Satipatthana, alors l'esprit sera petit. Il sera immature. Il sera trop sensible. Et quand on a quelqu'un qui est petit et trop sensible, alors à ce moment-là, ça c'est un objet des harasseurs. Donc, pour utiliser l'analogie, si et pourquoi l'esprit n'est pas mature, c'est parce qu'il n'a pas la connaissance qui est développée par la pratique de Satipatthana. Quand notre esprit est immature, il est, ça veut dire qu'en fait, il n'a pas de connaissance développée par Satipatthana. Et il peut, l'esprit, cet esprit peut être comparé à un jeune arbre, un arbre qui ne peut pas résister aux conditions adverses. Il est facilement, il peut être facilement détruit. Si l'esprit n'est pas développé avec la pratique de Satipatthana et l'esprit est petit, il est sensible et donc dès que apparaît le désir, la colère et ou d'autres d'autres qui laissent ça, l'esprit va réagir rapidement. L'esprit peut réagir rapidement et il peut réagir verbalement ou à travers des actes physiques. Mais si nous pratiquons le Satipatthana, nous pouvons dépasser tout ceci. Nous allons développer l'énergie mentale et nous allons développer des connaissances qui sont des pouvoirs, qui sont la force spirituelle. Et ceci est garanti en pratiquant Satipatthana. Et comment la pratique de Satipatthana donne de l'énergie à l'esprit. Quand nous visons un objet, nous connectons l'esprit à un objet. L'esprit est connecté à l'objet en commençant par le soulèvement et l'abaissement. Donc, le facteur de visage, de visée, nous permet de nous connecter à l'objet. Et si l'esprit est connecté à l'objet, il ne va pas glisser, il ne va pas se détacher de l'objet. Et même s'il apparaît des objets agréables, nous pensons à des choses agréables qui provoquent les désirs ou les objets déplaisants, Nous n'allons pas glisser, nous n'allons pas quitter l'objet principal auquel nous sommes connectés. Et de cette façon, l'esprit sera libre des objets soi-disant erronés. Et quand l'esprit est libre des objets erronés, alors il sera rempli d'énergie. Donc ça apporte notre effort pour observer les objets sera puissant, et de cette façon nous allons dépasser la nuit, par exemple, quand on est ennuyé en pratiquant. En fait, tous les trois types d'efforts Virya seront développés. Comment nous dépassons ces deux obstacles, c'est en visant et en faisant l'effort. Et de cette façon, en notant, nous allons rassembler l'esprit sur l'objet. L'esprit sera collé à l'objet, il sera unifié, et c'est à travers ce fait de viser, de nous focaliser, que nous allons nous libérer de ces deux obstacles. Si, par exemple, nous notons à chaque instant, chaque seconde, alors en une seule minute, nous aurons noté 60 fois en 5 minutes, 300, et en une heure, 3600 fois. Et chaque fois que nous notons, ça développe l'énergie. Et l'esprit devient fort et il pourra dépasser des obstacles. Et quand nous notons autant, beaucoup, alors à ce moment-là peut apparaître la connaissance de l'objet. En fait, les connaissances commencent à apparaître seulement quand l'énergie est forte. Et quand nous avons ces connaissances, alors nous allons savoir que le chemin est vrai. Et quand l'esprit, grâce à ça, mûrit, alors elle peut supporter la chaleur, les douleurs, les insultes des autres sans réagir. Et même s'il réagit, alors il arrive à contrôler ses réactions. Et de cette façon, l'esprit devient assez cool, assez bon. Aucun désir, aucune colère ne peut le déranger. Donc, les pouvoirs mentaux se développent et deviennent fortes. Je veux rajouter encore, parler un peu plus de l'importance de la pratique de metta. Surtout dans la vie quotidienne. Donc, nous pouvons prendre les cinq phrases qui sont sur la page 6. Les cinq premières phrases: puisse-je être en bonne santé, heureux et en paix? Puissent mes parents être en bonne santé, heureux et en paix? Ma famille? Après, la famille dans le sens plus large. Et après, tous les êtres vivants, puisse-t-il être en bonne santé, heureux et en paix? Nous pouvons faire ça tous les matins avant de sortir de chez nous. Donc, on répète trois fois ces cinq phrases et ce serait vraiment excellent. Et quand nous sommes partis de chez nous, nous pouvons tout simplement penser, puissent tous les êtres être heureux, en paix et heureux et en bonne santé. La même chose, nous pouvons faire au travail, nous pouvons penser à nos collègues, puissent mes collègues être, etc. À l'école, ça peut être nos camarades de classe, et ceci est très, très utile. Nos relations seront plus, plus douces. Évidemment, nous n'allons pas prononcer, enfin, nous n'allons pas dire ça aux personnes directement en disant « Puisses-tu être en bonne santé, heureux et en paix ?» Mais même si on ne dit pas ça, les personnes vont recevoir le message. Si vous pouvez garder les 5 préceptes tous les jours, ce serait excellent. Si jamais vous perdez un des préceptes, vous pouvez les reprendre. C'est pas comme des commandements. En plus de ça, vous pouvez méditer tous les jours. Si vous avez une heure, faites une heure. Si vous avez que 30 minutes, faites 30 minutes, 15 minutes, ben, alors 30, 15 minutes. Mais si vous pouvez faire une heure, si c'est possible, c'est vraiment excellent. En plus de ça, il y a des groupes de méditation. Si vous pouvez y aller une fois par semaine, ce serait pas mal. Et revenez en retraite, faites une retraite au moins une fois par an. Si vous pouvez faire plus, bah, alors c'est encore mieux. Puissiez-vous réussir de vous libérer de la colère, de la dépression, en développant, en pratiquant le metta. Puissiez-vous développer les pouvoirs de l'esprit tels que la capacité de viser, l'effort, la conscience, la concentration, les connaissances, et quand vous aurez développé les connaissances, votre esprit sera libre. Sadhu, sadhu, sadhu. May you all be able to overcome the tendency to anger and depression through development of the practice or development of metta. And may you all be able to develop the powers, the mental powers of aiming, directing the mind, making effort, awareness, concentration, so that knowledge develops and blossoms until final liberation. Please say sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.